Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la suite de notre série de fiction L'Otage, deuxième et troisième épisode, la prison et l'enfer. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'Otage, de François Luciani. D'après Le piège américain, de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation, Cédric Ossir. Deuxième épisode, la prison. Je commençais à entrevoir le piège qui se refermait peu à peu sur moi. J'étais seul, dans ce pays devenu hostile. Je ne pouvais avoir confiance en personne, ni en Alstom, ni en mes avocats. La machine à broyer était lancée. Et je ne voyais plus aucun moyen de l'arrêter. Allô ? Allô, Clara ? C'est moi ? C'est Fred, tu m'entends ? Enfin, mon chéri, c'est toi. Comment vas-tu ? J'étais si inquiète. Je croyais qu'il était arrivé un accident, une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Comment vont les enfants ? Bien, bien, t'inquiète pas. À cette heure-ci, ils sont déjà en classe. Je leur ai encore rien dit de ce qui arrive. Tu as bien fait, tu as bien fait. Inutile de les inquiéter. Les choses vont s'arranger. Tu sais, je me suis renseignée sur le Foreign Corrupt Practices Act. Cette loi permet aux Américains d'arrêter n'importe qui, de n'importe quelle entreprise, n'importe où sur la planète, et de le maintenir en prison pendant très longtemps. Attends, tu n'exagères pas un peu ? Non, Fred, vraiment, je suis très inquiète. Ils sont capables de tout, tu sais. T'es pas le premier. C'est déjà arrivé avec Total, Alcatel et bien d'autres. Ils ont arrêté des cadres de ces boîtes jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Dans mon cas, c'est différent. Ils n'ont rien à me reprocher, alors... S'ils acceptent ta mise en liberté sous caution, ils peuvent t'obliger à rester aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on ferait alors avec les enfants ? On n'en est pas là, Clara. Hein ? Ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, je te le dis. Et je serai bientôt là avec vous. Tu crois ? J'en suis sûr, Clara. Ne t'inquiète pas. Je voudrais bien te croire, mais... Crois-moi. Ils sont capables de tout, tu sais. Je sais... Ah, il faut que je te laisse, il s'impatiente derrière. Tu pourras me rappeler quand ? Je sais pas, ici tout est compliqué, c'est difficile. J'ai été si heureuse de t'entendre. Moi aussi, si tu savais, je t'aime, Clara. Fais attention à toi. Tu me le promets, n'est-ce pas ? Oui, promis. Je vais me débrouiller, comme d'hab. Ok, comme d'hab. Je t'aime, Fred. Le lendemain, à 4 heures tapantes, deux gardiens font irruption dans ma cellule. Nouvelle fouille corporelle. Nu. Ils me demandent d'écarter les cuisses et de tousser. Ils vérifient mon anus. C'est étrange. Je n'éprouve plus la moindre honte. J'assume de partager ma crasse avec eux. Puis, ils m'enchaînent à nouveau de la tête aux pieds, comme lors de mon premier transfert. Ils m'embarquent dans un camion blindé, direction la cour de justice de New Haven, à 3 heures de route. Cette fois, il ne m'avait pas oublié. Bonjour, monsieur Pierucci. Autant vous le dire tout de suite, ça s'annonce mal. Le procureur est très remonté. Que se passe-t-il ? Il est furieux du manque de coopération de votre PDG, monsieur Cron, avec le département de justice, depuis plus de 3 ans. Mais alors, que voulez-vous que j'y fasse ? Je ne m'appelle pas Patrick Cron, que je sache, non ? Je ne suis pas le PDG d'Alstom. Bah, qui s'adresse à lui plutôt qu'à moi ? Il s'adresse à lui, en s'adressant à vous, monsieur. Que voulez-vous dire ? Le prochain sur la liste, c'est Patrick Cron, monsieur. Le procureur Novak est chargé de le lui faire savoir. Comment cela ? En vous gardant en prison, monsieur. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait dire. La séance est ouverte et... La parole est au procureur Novak. Madame la Présidente... Après s'être engagé à coopérer avec nous, l'entreprise Alstom a trahi à plusieurs reprises la confiance du département de justice américain. Alstom, qui devait nous aider dans notre enquête contre la corruption, a agi en réalité de façon lente et fragmentaire. J'ajoute que l'OCDE a récemment pointé l'attitude de la France, qui a omis de prendre des mesures contre Alstom, alors que cette multinationale fait l'objet depuis de nombreuses années d'accusations de corruption dans de nombreux pays, dont la Suisse, le Royaume-Uni, l'Italie ou les États-Unis. Quelles preuves pouvez-vous apporter, monsieur ? Nous possédons toutes les preuves. Les documents révèlent les discussions entre les co-conspirateurs pour soudoyer des fonctionnaires de différents pays d'Asie et d'Europe. Nous possédons des attestations bancaires et plusieurs témoins prêts à venir à la barre pour témoigner, Madame la Présidente. Quel est le lien avec Monsieur Pierucci, monsieur ? Monsieur Pierucci est un cadre très haut placé chez Alstom. Il occupe des responsabilités considérables au sein du groupe. Malgré ses dénégations, il a lui-même été complice de la stratégie de son entreprise. Alstom propose une caution $1,5 million pour sa libération. Mais cette société est impliquée dans de nombreuses affaires de corruption, dont celle du contrat de Tarahan, où M. Pierucci a joué un rôle considérable. Madame la Présidente, mon client n'est en rien responsable de l'attitude d'Alstom dans cette affaire. Il n'est qu'un simple cadre. Ce n'est pas le moment de votre plaidoirie, M. Joss. Poursuivez, M. le procureur. Aussi, Madame la Présidente, je m'interroge. Que se passera-t-il si, à un moment ou à un autre, les intérêts de M. Pierucci et Alstom divergent ? Qui sera alors le garant de la caution ? N'oubliez pas que le port d'un bracelet électronique n'est pas une garantie suffisante. M. Pierucci pourra le débrancher, s'enfuir en France. Enfin, vous le savez, madame, la France n'extrade pas ses ressortissants. Si vous le libérez, vous ne reverrez plus M. Pierucci, car il a bien conscience qu'ici, aux États-Unis, il risque une lourde peine. La prison à vie. La prison à vie, mais... Non, mais c'est impensable. Ça ne tient pas debout. Ce procès est une mascarade. C'est ridicule. Taisez-vous, M. Pierucci. Vous n'avez pas la parole. La prison à vie. Je n'arrive pas à le croire. C'est impossible. Cela fait à peine 5 jours que je suis à Wyatt. Et je n'en peux déjà plus. Je me tourne alors vers Stan et Liz. Stan détourne le regard et Liz préfère plonger dans ses notes. Je réalise alors que tout est bien réel. Je risque la prison à vie, à Wyatt. Impossible d'en sortir. Devenir une longue peine, comme les malheureux que j'ai croisés dans les cellules crasseuses de ce lieu de cauchemar. La juge se retire quelques instants pour délibérer. Cela me paraît une éternité. Je suis désemparé, effrayé. Elle s'est accordée 5 minutes à peine. Le cas de M. Pierucci est inhabituel pour notre tribunal. D'ordinaire, nous étudions les demandes de familles modestes. Les cautions ne dépassent pas les $1,500 et bien souvent, il s'agit de l'épargne de toute une vie. Dans ce dossier, la défense propose une caution $1,5 million. Ça me semble insuffisant. En plus de cette caution et des 400 000 proposés par l'accusé, je souhaite qu'un citoyen américain s'engage à mettre sa propre maison en caution. Si vous revenez vers moi avec cet engagement, alors j'accepterai de réexaminer une demande de mise en liberté. La séance est levée. Je suis vraiment désolée, Monsieur Pierucci. Désolée ? C'est tout ce que vous trouvez à dire ? Je ne pensais pas qu'ils oseraient aller jusque-là. Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas vous laisser tomber. Je ne veux pas retourner là-bas. Il le faudra bien, pourtant. Vous pouvez compter sur moi. Nous allons agir au plus vite. Et je peux vous poser une question, Stan ? Oui, bien sûr. Comment le procureur Novak a-t-il pu se procurer les preuves qui ont été présentées à l'audience ? Vous voulez vraiment le savoir ? Oui, Stan. Qu'est-ce que ça change vraiment pour vous maintenant ? Ça m'intéresse, voyez-vous. Ils ont tout simplement une taupe. Un cadre d'Alstom qu'ils ont retourné. Il s'est promené pendant 2 ans avec un micro sous la cravate et a enregistré toutes les conversations. Voilà. C'est ça. Simple comme bonjour, comme vous dites. C'est ce que le procureur Novak m'avait proposé lors de notre premier entretien, n'est-ce pas ? Oui. Si vous aviez accepté, tout aurait été très différent. Vous croyez ? Pourquoi avez-vous refusé ? Je ne sais pas, Stan. Peut-être parce que je ne suis pas un traître. À nouveau enchaîné, balancé dans un fourgon blindé direction Wyatt. 3 heures de route. Je pense à Clara, à mes enfants. Je m'inquiète pour eux. J'ai dans la tête le film des premiers pas. Le ballon sur la plage. Les câlins. Les sourires de Clara. La boule d'angoisse ne me quitte plus. Je ne parviens pas à chasser de mon esprit une question stupide. Si je n'étais pas descendu de cet avion en provenance de Singapour, il y a 6 jours, le 14 avril 2013 à 20h04, si je n'avais pas mis le pied sur le tarmac de New York JFK, si je n'avais pas fait ce pas de trop, que se serait-il passé ? Mais comment pouvais-je savoir que j'étais devenu une cible, un otage pris au piège dans une guerre où je ne pouvais rien ? Les meurtrières de la prison de Wyatt se profile déjà devant moi. Le gouffre de l'horreur, de la violence et de la puanteur s'ouvre à nouveau, avec sa routine. Le meurtre, le viol, la fouille corporelle à répétition et sa perversion. Impossible de savoir si j'en sortirai un jour. Pour pouvoir me présenter à nouveau devant le tribunal de New Haven et solliciter ma libération sous caution, il me fallait réunir la somme de 1,5 million de dollars promise par Alstom, les 400 000 euros de la valeur estimée de ma résidence principale en France, mais aussi, et surtout, à la demande particulière de la présidente Finkel, la caution de la maison d'un citoyen américain résidant aux États-Unis. C'était pour ainsi dire, mission impossible. Qui, parmi mes collègues américains, pour la plupart de simples relations de travail, pourrait avoir le courage de mettre sa propre maison sous caution pour permettre ma libération? Personne, évidemment. Qui serait capable de prendre un tel risque, même pour un ami? Je savais pourtant que Stan Joss, avec l'aide de Clara, mon épouse, était parti à la recherche tous azimuts de cette aide improbable, trouver la bonne âme. Mais tout cela prenait du temps, beaucoup de temps. Alors j'étais devenu un prisonnier de Wyatt comme les autres, détenu dans une de ces cellules des quartiers de haute sécurité, de la pire prison de la côte Est des États-Unis, avec des criminels, des assassins, des trafiquants, des hommes usés par l'attente interminable d'un jugement qui traîne depuis des mois, et bien souvent, au bout du compte, condamné à la perpétuité. Allez, allez, debout là-dedans! Mais j'ai dit à poil, c'est compris? À la douche! Putain, vous faites chier, chef! Vous savez bien qu'on a rien planqué là-dedans, bon sang! Va ferme, Tony, à la douche et cul nu! Je veux voir ton trou du cul, ok? Allez, bouge! Ta gueule, je t'ai dit, bouge! Tu vas en prendre une! Ok, ok, c'est pas la peine de s'énerver, hein! Trois minutes plus tard, nous étions nus sous la douche. Toi, accroupi. Pardon. T'es sourd? Écarte les cuisses et tousse. J'ai toussé, les cuisses écartées. Il a pu vérifier que mon anus ne contenait aucune substance illicite. J'ai subi ce traitement à de multiples reprises, comme une routine en quelque sorte. Mais ce jour-là, j'ai pu observer qu'il n'avait aucune honte à pratiquer cette humiliation, même sur des hommes âgés. Tommy, mon co-détenu qui avait largement dépassé les 75 ans, a dû s'y conformer, lui aussi, sans discuter. Pourtant... Écarte et tousse. Les mains, chef. Arrêtez avec ça. Écarte. Non, chef. J'ai plus envie d'écarter. Ah oui. Gabi, fous-moi ce qu'on trouve. C'est lui apprendra à discuter. Foutez-moi la paix, putain. Allez. Foutez-moi la paix. Puis, quelques minutes plus tard, nous avons été convoqués, un à un, pour un entretien avec une counselor. L'équivalent chez nous d'une assistante sociale. Monsieur Pierucci, depuis votre arrivée ici, avez-vous constaté des choses anormales, des actes de violence? Vous plaisantez? Non, monsieur. Je vous pose la question, vous devriez y répondre. C'est dans votre intérêt. Et ici, madame, rien n'est normal. Rien. À commencer par mon incarcération, totalement injustifiée. Il n'y a aucune raison que je sois ici. Aucune, madame. Vous m'entendez? Oui. Bien sûr, vous êtes innocent, comme la plupart des détenus à Wyatt. Ça va de soi, n'est-ce pas? Vous me prenez pour un demeuré? Je vous pose à nouveau la question. Avez-vous constaté des actes de violence, oui ou non? J'ai compris alors que sa question ne concernait pas du tout mon affaire. Au contraire, cette femme faisait tout simplement son travail. Déceler des comportements illicites pour ensuite en informer l'administration. Je me suis bien gardé de lui avouer quoi que ce soit. Je serais alors passé pour une balance et j'aurais mis moi-même ma vie en grand danger. Non, madame, je n'ai constaté aucune violence. Rien? Pas même des tentatives de viol? Pourtant, c'est très courant ici. Non, madame. Pas de tentative de viol. Ni une agression? Non, madame. Aucune agression. Et les gardiens? Rien à signaler? Non, madame. Les gardiens sont très corrects. Même pendant les fouilles? Oui, madame. Très corrects. Très bien, monsieur Pierucci. Je vois que vous avez vite compris le règlement intérieur. La prochaine fois, je vous invite à collaborer. C'est ce que vous avez de mieux à faire, vous savez. Nous verrons bien, madame. Mais j'espère surtout qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Permettez-moi d'en douter, monsieur Piaucci. Elle n'avait pas forcément tort. 3 jours et 3 nuits plus tard dans cet enfer, je recevais la visite de Stan Joss, mon avocat. Je sors quand ? Nous avons fait une étude précise de votre cas. Je me fous de votre étude. Je vous pose la question. Je sors quand, Stan ? Vous avez trouvé quelqu'un pour la maison ? 125 ans ferme, c'est la base. Pardon ? 125 ans. C'est le total des années de prison qui pourra être requis contre vous, compte tenu des 10 chefs d'inculpation lancés pour corruption et blanchiment. Mais assurez-vous, quand votre cas aura été mis dans la grille de points, votre peine devrait être plus faible, du moins en théorie. 125 ans ? Qu'est-ce que vous me racontez là, Stan ? Vous me prenez pour un demeuré ? Tout cela n'a aucun sens. Vous le savez bien. Je suis très sérieux, Fred. Des conneries t'es... Une infraction à la loi anticorruption vaut 12 points. Mais quelle infraction ? Ensuite, il faut prendre en compte le montant de la marge brute réalisée par Alstom sur les contrats incriminés, soit une somme de 6 millions de dollars, ce qui équivaut à 18 points de plus. Je n'ai pas touché un centime là-dessus, je vous le répète, Stan, je ne suis pas concerné. Les pots de vin ont été versés à un parlementaire, donc à un élu, ce qui est une circonstance aggravante, donc il faut rajouter 4 points. Je n'ai versé aucun pot de vin. Combien de fois devrais-je vous le répéter, Stan ? Ensuite, il faut ajouter 2 points, car il y a eu plusieurs paiements, et donc, d'après le département de justice, plusieurs pots de vin, ce qui donne un total de 36 points. Mais 36 points de quoi, Stan ? Cela dit, si vous aviez été considéré par le procureur comme le leader de la conspiration, il aurait fallu encore ajouter 4 points, mais ce n'est pas le cas. Donc, on en reste à 36 points. Mais quelle conspiration ? Je n'ai jamais conspiré quoi que ce soit contre qui que ce soit. Voyons, mais vous êtes sérieux, là ? C'est ridicule, Stan ! Ridicule ! Il faut ensuite reporter vos 36 points dans un tableau à double entrée, avec en horizontal le nombre de fois où vous avez déjà été condamné, et en vertical, les points correspondant à l'infraction qui vous est reprochée. Je sors quand, Stan ? Vous pouvez me le dire ? C'est tout ce que je vous demande ! Je sors quand ? Dans votre situation, nous tombons dans une fourchette comprise entre 188 mois et 235 mois. Si vous allez jusqu'au procès et si le juge suit ce barème, ce qui est pratiquement toujours le cas, votre peine sera au minimum de 15 ans et 8 mois. Et elle pourra s'élever jusqu'à 19 ans et 7 mois. Vous vous moquez de moi ? Non, Fred, je suis très sérieux. Car c'est ce qui vous attend. C'est du grand n'importe quoi. Je n'ai pas touché un centime dans cette affaire. L'argent est tombé dans la poche des actionnaires d'Alstom, pas dans la mienne. Je n'ai pas gagné un dollar, pas un seul. Vous entendez ? Le département de justice américain considère que l'employé, pour garder son travail, avoir une promotion, gagner un bonus, agit dans son intérêt au sein de l'entreprise qu'il emploie. Il estime qu'il touche donc un bénéfice. Quel bénéfice ? Mon salaire ? Vous appelez ça un bénéfice ? Oui. Pour le département de justice, c'est un bénéfice. Un salaire n'est pas un bénéfice, monsieur. Un salaire est la rémunération du travail d'un salarié. Point final. Écoutez, cela ne sert à rien de discuter. On ne va pas, aujourd'hui, vous et moi, réécrire le droit américain. Non. La règle de calcul est celle-là. Point, c'est tout. Et pour la maison, vous avez trouvé quelqu'un ? Non, pas encore. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous travaillez pour qui, Stan ? Pour eux ou pour moi ? Pour qui ? Calmez-vous, Fred. Le but est de vous sortir de là, pas de discuter inutilement. Vous comprenez ? Non, je ne comprends pas. Ici, la justice est une négociation. Pour négocier votre mise en liberté sous caution, il faut adapter la caution à la charge qui pèse contre vous. Si nous nous trompons sur les charges et leur valeur sur l'échelle des points pratiqués, vous pourrez rester longtemps ici. Très longtemps, Fred. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon deal. Et la vérité dans tout cela, qu'est-ce que vous en faites ? C'est pas le sujet, Fred. C'est une négociation, rien de plus. La justice, une négociation, mais c'est aberrant. Inutile d'épiloguer, Fred. Nous faisons tout pour vous sortir de là, croyez-le bien. Je voudrais bien vous croire, mais... Mais quoi ? Tout ça me donne envie de vomir, Stan. Parloir terminé, en cellule. Soyez patient, et tout ira bien. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Vous pouvez me détester, mais cela n'y changera rien. Au revoir, Fred. J'ai compris alors que tout cela pouvait durer longtemps. Très longtemps. Même des années. Stan semblait sincère, mais je ne pouvais m'empêcher de douter de lui. Je me surprenais même à le haïr. Cette manière d'être, ce ton, juste à ses supérieurs, sans jamais tenir compte de la violence que je subissais à chaque instant, le rendait odieux à mes yeux. Pourtant, il avait raison de laisser l'affect hors de nos discussions, et que je le veuille ou non, il était la seule personne à pouvoir me venir en aide. Au fond, il me donnait une leçon de droit. Il ne m'apprenait pas la justice ni les valeurs d'équité, mais ce qu'on appelle le pragmatisme, le sens des opportunités dans une négociation. J'étais loin d'imaginer que la justice américaine, si éloignée de tout sens moral, pouvait se résumer à un simple deal. Un deal qui prend tout son temps. Alors il a bien fallu que je m'habitue à la prison, à Wyatt, pour une durée indéterminée. Ça t'apprendra à faire le con, Tommy, ok? La prochaine fois, tu prendras le double, compris? Enfoiré! Je regarde cet homme. Il semble épuisé, squelettique. Sa tenue de prisonnier, devenue bien trop grande pour lui, est crasseuse. Il regarde un instant autour de lui, hagard, à même le sol. Puis, il lève les yeux vers moi. T'inquiète, Frenchy, ça va aller. Tu parles français? Ça t'étonne? Disons que c'est plutôt rare ici. Tu vas pas me croire, mais j'ai passé pas mal de temps dans ton pays. Surtout à Marseille. Tu connais Marseille? Bah oui, bien sûr. C'est une belle ville. Pas mal de trafic aussi. Ouais, c'est ce qu'on dit, oui. T'en as pris pour combien? Moi, je sais pas. J'attends ma libération sous caution. On m'accuse de corruption, mais j'ai pas touché un centime. Bah voyons. Et toi? Tu veux vraiment savoir? Ça change quoi de savoir? De toute façon, on est là et on y reste, pas vrai? Ouais, après tout, t'as raison, ça. Ça m'est égal. C'est mieux comme ça, Frenchy. Tommy était un type incroyable. Meurtre, braquage, trafic de stupéfiants. Il cumulait les peines à n'en plus finir. À l'âge de 75 ans, cet ancien de la French Connection avait passé bien plus de temps en prison qu'en liberté. Il n'avait plus rien à espérer. Il savait que Wyatt serait sans doute sa dernière destination avant le cimetière. Tu sais, Frenchy, ne fais jamais confiance à ton avocat. Pourquoi? Les avocats, ils travaillent toujours en sous-main, toujours pour le gouvernement. Tu crois? C'est sûr. Et surtout, n'avoue jamais rien. Sinon, il balancera tout au procureur. C'est qui ton avocat? Stanjos. L'ancien procureur? Ouais. Laisse tomber. Il travaille pour eux, pas pour toi. Tu devrais changer. Ah oui, mais alors, qui? Le mien. Il a été l'avocat des Hells Angels. C'est un vrai pro, lui. Eh ben, n'empêche que t'es là, au trou. Hein. C'est une chance, crois-moi. Sans lui, je serais dans le couloir de la mort depuis bien longtemps. Et puis, méfie-toi aussi des autres détenus. Il y a beaucoup de snitches. Les mouchards. Dès qu'ils apprennent quelque chose, ils s'empressent de le répéter. Pour essayer d'obtenir une peine plus légère. Ok, Tommy. J'y penserai. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Deuxième épisode, La prison. Avec Michael Cohen, Daniel Koenigsberg, Dominique Daguier, Marie Dompnier, Fred Ulysse, David Mijoux, Pauline Moulin, Julia Védis-Bogart, Valérie Dashwood, Grégory Kidel et Bernard Gabet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal et Laetitia Delgado. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Cédric Ossier. France Inter. Affaires sensibles, la fiction. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation, Cédric Ossier. Troisième épisode, L'Enfer. 125 années de prison. Quand mon avocat Stanjos m'a annoncé la peine que j'encourais, je crois que si je n'avais pas été au fond du trou crasseux de Wyatt, cette prison infecte où je m'enfonce chaque jour davantage, j'en aurais ri, tellement la situation était impensable. Mais la réalité était pourtant bien là, démente. Le lendemain, j'ai été transféré au pod A, le quartier des vieux à Wyatt. C'est le quartier soi-disant le plus paisible, celui des hommes de plus de 40 ans. Ici, il y a tout ce que la terre peut porter de criminels dangereux et violents. Des Jamaïcains, des Mexicains, des Dominicains, des Asiatiques et même des Grecs. Des types qui purgent de longues peines pour des meurtres, des viols, des braquages ou du trafic de stupéfiants. Je suis le seul Français. Ici, il n'y a pas de cellules. C'est un dortoir d'une cinquantaine de places, avec des petits box séparés par des murets d'environ un mètre de hauteur. Deux couchettes superposées dans 9 mètres carrés pour 4 hommes, où on m'a attribué un lit. La lumière naturelle vient de 3 minuscules vasistas au vert teinté. Si bien qu'il faut apprendre à vivre sous ces néons qui restent allumés le jour comme la nuit. Je dois trouver le sommeil. C'est une question de survie. Il faut que je m'habitue à cette lumière crue, cette lampe toujours sur moi, à 50 cm au-dessus de ma tête. Il faut aussi que j'accepte le regard des curieux qui m'observent dans les toilettes, car les WC n'ont pas de mur ni de porte. Heureusement, grâce à Lise, l'assistante de Stan, j'ai pu obtenir l'autorisation d'une conversation téléphonique avec Clara. Allô ? Allô, Clara ? Écoute-moi, surtout fais bien attention à ce que tu dis, les conversations sont écoutées ici, hein ? Comment vont les enfants ? Les enfants vont bien, t'inquiète pas, tu leur manques. Et Pierre ? Comment ça se passe pour les maths ? Pas terrible, il bosse pas assez, tu le connais. Toujours avec ses jeux vidéo. Écoute, tu sais, pour la maison, Alstom ne peut pas t'aider. Il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Ah bon ? Et pourquoi ? Le département de justice s'y oppose. Ils disent que dans la mesure où Alstom est sous investigation, ce serait un subterfuge. Un subterfuge ? Une manœuvre pour échapper aux poursuites. Ok, je comprends. Mais je crois que j'ai trouvé quelqu'un. Ah oui ? Anna Brenfield, tu te souviens ? Oui, bien sûr, oui, oui. On a travaillé ensemble à Washington, mais elle serait d'accord ? Oui, c'est quelqu'un de bien. Mais... Mais quoi ? Il y a un problème. Si on trouve une maison en caution par nous-mêmes, tu ne pourras plus travailler chez Alstom. Pardon ? Oui, Alstom est sous investigation du département de justice. Donc tu ne dois avoir plus aucun contact avec eux. Tu comprends ? Je comprends plus rien, Clara. Stan Joss est au courant ? Mais oui. Bien sûr. Alors, si je ne travaille plus pour Alstom, comment on va faire pour le payer ? Je sais pas. Mais Clara, mais... qu'est-ce qu'on va devenir, là ? Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution, de toute façon. Je vais contacter le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay ? Oui, je vais voir avec ma cousine, Alix. Elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui... Ça marchera jamais, ils dorment là-bas, ils dorment. Je vais crever ici, Clara. Tu m'entends ? Je vais crever ici comme un rat. J'en Fred, veux plus. Écoute-moi, il faut tenir, tu entends ? Écoute, là, pense aux enfants. Ils t'attendent, tu entends ? Clara ? Allô, Clara ? Clara ? Clara ? Tout cela était confus. La conversation hachée, discontinue, à peine audible. Je m'enfonçais jour après jour dans un puits sans fond. Un labyrinthe où je m'épuisais. Il m'a fallu quelques jours pour avoir le fin mot de ce que me disait Clara. Elle cherchait à me protéger. Elle avait peur de me voir sombrer. Alors, elle ne me disait pas toute la vérité. Stan n'a pas tardé à le faire. Alstom me lâchait. Voilà, Fred. Depuis votre arrestation, Alstom semble avoir changé de stratégie. Maintenant, ils collaborent. Ils transmettent tous les documents au département de justice. Le procureur a reçu des dizaines de milliers de pièces complémentaires, dont 3000 documents où vous êtes mentionnés. Et alors ? Ils n'ont aucune preuve contre moi. Tout ça, c'est du vent. C'est rien que du vent. Je me demande si certains n'essaient pas d'en profiter pour vous faire porter le chapeau sur d'autres contrats que celui de Tara. Qui ? Je sais pas. Mais une chose est certaine, ils cherchent maintenant à se protéger. Ils savent maintenant qu'Alstom va devoir régler une énorme amende. Mais surtout, ils craignent d'autres poursuites individuelles. Qui ça, il ? Patrick Cron, le PDG d'Alstom, et d'autres membres, haut placés. Ils savent que l'affaire est grave. Alors pour se protéger eux-mêmes, ils n'hésitent pas à charger celui qui est déjà en prison. Des ordures. Ça vous choque ? Moi pas. C'est normal, si j'étais à leur place, je ferais la même chose. Ça va durer combien de temps tout ça, Stan ? Vous pouvez me le dire. Je suis épuisé. Stan, vous comprenez ? Épuisé, j'en peux plus. Je le vois bien, mais... Clara m'a dit que Vous avez trouvé quelqu'un pour la maison? Oui. Anna Brenfield, une de vos amies de New York. Quand Clara l'a appelée, elle a tout de suite dit oui. J'aurais jamais pensé qu'elle aurait le courage de faire une chose pareille. Il faut que je la remercie, Stan, hein, tout de suite. Oh, sacré Anna, j'y tiens, elle me sauve la vie. Oui, mais cela ne sera pas suffisant. Pardon? Si Alstom change de stratégie, je ne suis pas certain qu'il soit toujours d'accord pour payer l'appartement et les gardes prévus 24 heures sur 24 pour vous surveiller en cas de libération. Si cela revient à votre charge, le coût sera exorbitant, vous ne pourrez pas payer, donc le tribunal s'opposera à votre libération sous caution. Arrêtez, Stan. Je vous en supplie, arrêtez! C'est mon devoir de vous dire la vérité. Mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Que je me pente dans les douches du Panard? Hein? Que je m'ouvre les veines, comme font les autres, à voyager quand il n'y a plus d'issues? Si vous acceptez de collaborer, il s'engage à vous infliger une peine maximum de 6 mois. Et alors? Il faut plaider coupable, Fred. Plaider coupable. Nous y voilà. Il leur fallait un coupable tout désigné, un produit frais, et c'était moi. Le lampiste, pour porter le chapeau, leur chapeau. Ils savaient que j'étais à bout de force, prêt à tout accepter, tout, jusqu'à l'inacceptable. Pour espérer sortir de ce trou infect, il faudrait que j'accepte d'avouer des délits commis par d'autres, des fautes que je n'ai jamais faites, de l'argent sale que je n'ai jamais empoché. Il faudrait que j'accepte d'endosser pour leur compte ces millions de dollars de pots de vin, versé ici et là par des intermédiaires choisis par le PDG Patrick Cron pour accroître les dividendes et satisfaire l'appétit insatiable des actionnaires d'Alstom. Il faudrait que je trouve les mots pour dire que je n'étais qu'un pourri, un mafieux, un voleur, un tricheur corrompu jusqu'à la moelle. C'était le prix à payer pour sortir de cet enfer. Aurais-je la force d'accomplir cet acte étrange? Cette salissure immonde de moi-même. Frédéric Pierucci, avant de recevoir votre plaidé coupable, je voudrais vous demander de prêter serment. Greffier, s'il vous plaît. Placez l'accusé sous serment. Monsieur Pierucci, levez la main droite. Monsieur Pierucci, vous comprenez que maintenant vous êtes engagé à dire la vérité. Vos réponses peuvent faire l'objet de sanctions pour parjure ou fausse déclaration. Oui, votre honneur. Pouvez-vous décliner votre identité complète, votre âge, et nous dire si vous possédez des diplômes scolaires? Pierucci, Frédéric Michel, j'ai 45 ans, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en France et je suis aussi titulaire d'un MBA de l'Université de Columbia, à New York. Comprenez-vous la langue anglaise? Oui, votre honneur. Avez-vous eu des difficultés avec vos avocats? Votre honneur, je suis incarcéré à Wyatt, donc ce n'est pas simple. Votre honneur, il est exact que les communications téléphoniques avec M. Pierucci sont limitées. Cela n'a pas toujours été facile de dialoguer, mais nous avons rencontré M. Pierucci à plusieurs reprises et nous avons pu nous entretenir avec lui sans difficulté. M. Pierucci, suivez-vous un traitement médical? Oui, je suis sous tranquillisant pour supporter le stress lié à mon incarcération et pouvoir dormir. Ces médicaments nuisent-ils à votre compréhension des débats dans cette audience? Non, votre honneur. Avez-vous dans les dernières 48 heures pris des stupéfiants ou absorbé l'alcool? Non, votre honneur. Avez-vous été informé par votre avocat de la peine maximale que vous risquez? Et en avez-vous discuté avec lui? Oui, votre honneur. Vous avez donc pleinement compris l'accord que vous vous apprêtez à passer? Oui, votre honneur. Avez-vous fait l'objet de menaces? Non, votre honneur. Monsieur Pierucci, pour être certain que vous comprenez la portée de votre décision, je voudrais que vous nous résumiez en quelques mots ce que vous avez fait et en quoi vous êtes coupable. Nous y voilà. Avouez le faux. Jouer leur jeu, les satisfaire, s'offrir en pâture comme un animal dressé, une proie qu'on jette dans la cage au lion, les rassasier, mentir, mendier leur pitié dans l'espoir de retrouver la liberté. J'ai la nausée, je me retiens de vomir, je respire, et je récite la voix blanche, sans réfléchir, la tirade apprise par cœur avec Stan. Votre honneur, entre 1999 et 2006, j'étais le vice-président de l'activité vente chaudière du groupe Alstom dans le monde entier. J'étais alors basé à Windsor, dans le Connecticut. De 2002 à 2009, Une conspiration a été mise en place entre différents employés d'Alstom dans le but de payer des pots de vin à des fonctionnaires étrangers pour obtenir le marché d'une centrale électrique à Taharan, en Indonésie. Moi, ainsi que mes co-conspirateurs, nous avons déguisé ces pots de vin en commission. Moi et mes co-conspirateurs avons échangé par mail pour discuter du détail de cette transaction. Moi et mes co-conspirateurs avons réussi à obtenir le contrat de Taharan. Je vous remercie, Monsieur Pierucci. Le procureur Novak est-il satisfait de cette déclaration ? Tout à fait, Votre Honneur. J'ai croisé le regard de cet homme, le procureur Novak, celui qui m'avait jeté en prison quand je suis descendu de cet avion en provenance de Singapour, il y a 3 mois, le 14 avril 2013. Il m'a regardé, tranquille, d'un air satisfait. Il n'avait pas lâché sa proie. Il savait tout ce qui m'attendait. Monsieur Pierucci, je résume. Vous plaidez donc coupable de 2 chefs d'inculpation, corruption et blanchiment. Chacun d'eux est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans, ainsi que d'amendes pouvant s'élever jusqu'à 350 000 dollars. Votre plaidé coupable peut également avoir des conséquences au regard des lois réglant l'immigration dans notre pays. En êtes-vous conscient ? Oui, Votre Honneur. Écoutez-moi attentivement, Monsieur Pierucci. Vous allez, dans un proche avenir, être interrogé par un officier de probation. Cet agent sera chargé de rédiger un rapport de préjugement. Ce rapport sera ensuite soumis à une cour pour l'aider à fixer la sentence appropriée qui vous sera infligée. Vous comprenez, monsieur ? Oui, Votre Honneur. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2013. Ce rapport devra être remis au plus tard le 10 octobre prochain. La cour se réunira le 25 octobre 2013 pour déterminer votre condamnation. Vous devrez bien entendu être présent à cette audience. Oui, Votre Honneur. Bon, eh bien, nous en avons terminé. Je vous souhaite un agréable après-midi et surtout de bonnes vacances. De bonnes vacances. 3 mois. Encore 3 mois, Wyatt. 94 jours à attendre en enfer. Une seule chose me rassurait. Ce délai correspondait bien à ce que m'avait dit Stan. J'avais donc un horizon. Le 25 octobre, dans 94 jours exactement. Dans le fourgon blindé qui me ramène à Wyatt, entravé comme un animal, enchaîné les mains dans le dos et un cadenas sur le ventre, je me demande où je vais trouver la force pour survivre à l'ultra-violence de toute cette horreur. Dans la chaleur étouffante du pod A, j'ai retrouvé Tommy. Il m'a dit... Alors, combien ? 3 mois. Avec les 3 mois que je viens de passer, ça fera 6 mois en tout. Tu peux t'estimer heureux, Frenchy. 3 mois, qu'est-ce que c'est ? Je tiendrai jamais tout ce temps. Si t'as peur de t'emmerder, t'as des diplômes. Tu n'as qu'à demander à travailler. Tu crois ? C'est pas payé, mais ça fait passer le temps. Ah, je vais y penser. Tu sais pourquoi ils payent pas le travail ici ? Non. C'est tout simple, Frenchy. Le 13e amendement de la Constitution des États-Unis abolit l'esclavage et la servitude involontaire. Sauf en cas de punition pour un crime. Et alors ? Wyatt, c'est une boîte comme une autre. Les actionnaires sont contents. Ils s'enrichissent quand les détenus travaillent. Comme au bon vieux temps de la traite des Noirs. Alors, on n'est rien que des esclaves, hein ? C'est à peu près ça. Dans certaines tôles, ils te font payer même la nuit. Ça peut aller de 1 dollar jusqu'à 66 dollars, ça dépend. Payer juste pour dormir ? En tôle ? Ouais. Et si tu peux pas payer ? Tu ressors avec une dette. Faut que tu rembourses, c'est tout. Ici, à Wyatt, on a de la chance. On peut dormir gratuit. Alors, Frenchy, tu vas pas te plaindre, non ? T'as raison, Tommy. Il y a vraiment pas de quoi se plaindre. J'ai suivi le conseil de Tommy. Je me suis porté volontaire. L'administration m'a confié quelques heures de cours d'informatique sur des ordinateurs hors d'âge pour des détenus qui savaient à peine lire leur langue maternelle. Quelques semaines après mon plaidé coupable, j'ai eu la visite de Clara. J'espérais des bonnes nouvelles. T'as maigri, Fred ? Et tu donnes à manger ? Ça dépend. Des fois, j'ai pas faim. Et les enfants, alors ? Comment vont les enfants ? Ils commencent à s'inquiéter, tu sais. C'est normal, depuis le temps. Tu leur manques. Les jumelles n'arrêtent pas de poser des questions. Il est où papa? Quand est-ce qu'il rentre? Et je leur réponds, bientôt, bientôt, vous inquiétez pas. C'est à cause de son travail, il est très occupé en ce moment. Tu leur as dit que j'étais en prison? Non, j'ai pas eu le courage. Puis à quoi ça sert? Ouais, tu as raison. J'ai reçu une lettre pour toi. Je l'ai ouverte, tu m'en veux pas? Non, non, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de Bruno Guillemet. Oui. Oui, le directeur des ressources humaines hein, chez Alstom. Et alors? Je te dis en substance, monsieur, votre détention provisoire vous empêche d'exécuter votre contrat de travail. Compte tenu de votre niveau de responsabilité, votre absence rend impossible le maintien de notre relation contractuelle. Votre déclaration de culpabilité conduira prochainement les autorités judiciaires américaines à vous condamner à une peine d'emprisonnement ferme. Et cette situation porte un indéniable préjudice à l'image du groupe Alstom à travers le monde. Voilà, il te licencie, frère. Les salauds. J'ai écrit à Patrick Cron, ton PDG, pour lui faire part de ta situation. Lui dire la détresse de notre famille, il m'a répondu que son devoir de PDG était de protéger avant tout les intérêts d'Alstom. Il m'a demandé aussi d'arrêter de lui écrire directement. L'enfoiré. Oui, un lâche. Mais alors qui va payer les avocats? Je sais pas, Fred. Nous, on n'aura jamais assez d'argent. Qu'est-ce qu'on va devenir, Clara? Je sais pas, mon amour, je t'avoue. Moi aussi, je suis un peu perdue. Clara n'est pas une femme à pleurer pour un oui ou pour un non. C'est une femme courageuse. Mais ce jour-là, j'ai vu des larmes couler sur son visage, sans qu'elle ne puisse plus les contenir. Elle aurait tout donné pour moi, tout, mais les forces désormais lui manquaient. Sa douceur, sa tristesse, son abandon me bouleversaient. J'aurais voulu la serrer dans mes bras, lui dire combien je l'aimais depuis toutes ces années, toute une vie. Mais c'était impossible dans tout ce bruit, ces cris, ces insultes, ce chaos. Dans ses yeux, je lisais le réel, tout ce qu'elle tentait, enfin, de masquer pour me protéger. J'étais détenu dans une prison de haute sécurité à 15 000 km de ma famille, licencié de mon entreprise, lâché par les autorités de mon pays, insensible à mon cas, obligé de rembourser des frais d'avocat exorbitants, sans savoir quelle serait au bout du compte la peine qui me serait infligée. Pour ne pas sombrer, il fallait garder la tête froide. Réfléchir, calculer. Mon plaidé coupable avait mis en évidence un système de corruption généralisé, maintenu à grande échelle au cœur d'Alstom par son PDG Patrick Cron lui-même. Il était aujourd'hui rattrapé par la justice américaine et il savait qu'il était le prochain sur la liste des coupables recherchés. Alors, il lâchait du lest, donnait des garanties, livrait des otages et, en bon général des armées qui se respectent, il abandonnait sans aucun état d'âme ses meilleurs lieutenants sur le champ de bataille, juste pour sauver sa peau. Dans la crasse et la moiteur de Wyatt, je tournais cette explication dans tous les sens, la nuit comme le jour. Mais tout cela me paraissait insuffisant. Il devait y avoir autre chose, une autre raison plus forte, plus profonde, plus secrète. Mais laquelle ? Cloîtré, emmuré dans ce sarcophage de béton depuis 8 mois et 12 jours exactement, 252 nuits de puanteur, vomir chaque seconde, tenir. Se pendre, comme Steve, ce gamin de 20 ans qu'on a retrouvé ce matin le cou ficelé au radiateur, en finir avec toute cette saleté, partir là-haut dans la pureté voir s'il y a quelqu'un. Non, je n'ai jamais été vraiment croyant. Aucun dieu jusque-là n'a eu assez d'arguments pour m'envoyer à confesse, quels que soient les credos, les bibles ou les corans. Mais ce matin, je l'avoue, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Des pleurs, des ordres, des cris, le service au rabais de ces flics gantés de blanc qui s'agitent, pressés de faire disparaître ce corps inerte, devenu gênant comme on nettoie une déjection honteuse. Je l'avoue, ce matin j'ai envie de croire, seulement pour lui, qu'il y a un ailleurs, un autre monde, juste et paisible. Pour rester en vie, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'inventer un sacerdoce, une raison d'être, Un geste utile dans ce trou dépourvu de sens. J'ai appris un nouveau métier, professeur. Tommy, mon compagnon de cellule, a soufflé les bougies de ses 76 printemps au pod A, les yeux dans les yeux, hier, avec moi, entre quatre murs. Il est devenu mon élève, comme je suis devenu le sien. Tommy est un ami précieux. Il connaît la prison comme sa poche, ses recoins, ses cachettes, sa perversion. Il est là depuis des années, et il sait que cette crasse, cette misère, ces immondices seront sa dernière demeure avant le grand voyage vers la liberté, à Perpète, là-haut. Bon, aujourd'hui, on va attaquer une feuille de calcul Excel, ok ? Quelqu'un connaît Excel ? Eh, hey Fred, comment on dit « asshole » en français ? Hein ? Trop du cul. Et « motherfucker » ? Connard, bon. Et « dirty son of a bitch » ? Sale fils de pute. Pourquoi ? Parce que ça peut servir avec ce gros porc de Morrison, s'il comprend pas mes insultes, ça m'évitera des séjours au trou. c'est pas bête, Tommy, mais c'est pas le but de la leçon aujourd'hui, tu vois ? Bon, on reprend. On n'a qu'à essayer. Et Morrison, trou du cul ! T'entends ? Trou du cul, tu m'entends ? Qu'est-ce que tu veux, Tommy ? Un problème ? Tu n'as pas fini tes devoirs ? Tu veux une fessée ? Rien, connard, c'est juste pour savoir si tu m'entends, sale fils de pute. Au cas où j'aurais un problème à l'école. Tu fais le malin, Tommy ? Non, connard, pas du tout. Fais bien attention, Tommy. La prochaine fois que tu me déranges pour rien, tu vas au trou, ok ? Et arrête de parler comme ça. Ok, sale fils de pute. Il n'a rien compris, c'est vraiment bien ton truc, Fred. Merci. Tu vois, c'est bien plus utile que ton Excel à la con. Oui, bon, c'est ça. Allez, on continue quand même, hein ? On ne peut pas dire que mes compagnons étaient dévorés par l'envie d'apprendre. C'était surtout une manière de penser à autre chose, d'être ensemble autrement. J'ai donné des cours de physique, de mathématiques et même de chimie, quelques heures par semaine tout au plus, à 1,25$ par jour. Ça faisait oublier le reste, passer le temps. Tommy s'est soudainement passionné pour la chimie. J'ai vite compris pourquoi. Fidèle à lui-même, il projetait de fabriquer des substances hallucinogènes pour les dealer ensuite au sein du pod A. Oui, Fred, tu m'entends ? J'ai Amélie à côté de moi et elle me demande quand tu rentres. Pas tout de suite, mon amour. Il faut d'abord que je termine mon travail ici. T'entends ? Elle dit que c'est long. Oui, je sais, mais j'aurai bientôt terminé. Dis-lui qu'elle ne s'inquiète pas, hein ? Comment ça se passe à l'école ? Elle bosse ? Elle dit que oui, bien sûr, elle bosse. Mais que c'est pas pareil quand tu n'es pas là, tu vois ? Il faut qu'elle soit patiente. Hein ? Encore quelques semaines et tout rentrera dans l'ordre, tu vas voir. T'entends ce qu'il dit, papa ? Oui, mais elle demande si c'est vraiment sûr. Oui, oui, sûr, mon amour. Allô ? Allô, j'entends plus. C'est quoi tout ce bruit ? Non, c'est rien. Alors, on est obligé de raccrocher maintenant. Au revoir. Allez, ma chérie. Clara ? Allô, Clara ? Clara ? Oui, je t'entends. Ah. Écoute, ça n'arrête pas de couper ici, c'est... Tu sais, j'ai encore rien dit aux jumelles. Elles savent pas que tu es en prison. Ça sert à rien. T'as raison. Pourquoi leur faire peur, ça serait idiot. Mais elles commencent à trouver le temps long, tu vois. Elles se posent des questions. Elles croient qu'on a divorcé et qu'on veut pas le leur dire. C'est peut-être ce qu'on devrait faire. Quoi ? Amélie a raison. On devrait divorcer. Tu gardes la maison et tu m'oublies. Ce sera plus simple pour tout le monde. Ils n'auront plus aucune emprise sur moi. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fred ? Écoute, s'il m'oblige à rester sous surveillance aux États-Unis après ma libération, sous caution, eh ben, tu pourras faire ce que tu voudras. Rester à Singapour ou rentrer en France. Ils n'auront plus rien à dire, puisque toi et moi, devant la justice, on sera devenus des étrangers l'un pour l'autre. Mais Fred, tu dérailles complètement. Non, écoute-moi, je suis réaliste, c'est tout. Ce serait une manière efficace de protéger notre famille. Il n'en est pas question, tu entends ? Pas question. Fred, je ne divorcerai pas, jamais, okay, t'es compris ? Ok, pas la peine de te mettre en colère, c'était juste une idée comme ça, tu vois. Ça, c'est pas une idée, c'est rien du tout. Ok. D'ailleurs, les avocats sont devenus très discrets ces derniers temps. Tu les as relancés ? Ben, depuis que j'ai été licencié, Alstom ne les paye plus, alors... Fred, j'ai l'impression que tu baisses les bras. Dis-moi la vérité. Je suis à bout, Clara. J'en peux plus. J'ai qu'une seule envie, c'est... partir. Point final, finir en finir une fois pour toutes. Et si tu peux pas imaginer ce que c'est. Fred, écoute-moi, écoute-moi. Je vais appeler les avocats aujourd'hui même. Ils avaient dit 6 mois. Là, tu n'as plus que quelques jours à tenir. Juste quelques jours. Tu vas pas nous lâcher, n'est-ce pas? Ok. Tu me le jures? J'aime pas jurer, Clara. Tu me jures que tu vas pas nous lâcher? Oui, je te le jure. Sur la tête des enfants? Oui, Clara. Sur la tête des enfants. J'ai regagné ma place au pod A. Je me suis allongé sur ce qui me sert de couche. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé défiler le cours des choses. Chasser les idées noires au hasard des couleurs. Un dériveur au gréement blanc. Il fait doux au large. Un baiser sur les lèvres. On se laisse bercer par le roulis. Clara, 18 ans. La balle de match. Service volé. Première victoire en tournoi. 6-4, 6-2 à la boule. Fierté. Et puis, le jour de notre mariage, la pluie de riz sur les marches de la mairie. Elle était timide, comme si elle avait honte de notre amour. Et puis, la naissance des enfants, les jumelles, les bouteilles qu'on débouche, les bougies qu'on souffle, les anniversaires du temps qui passe. Toute une vie qui fuit, des visages qui s'estompent, un rivage qui s'éloigne, les parasols de plage deviennent minuscules, et je prends le large. Sensation de brûlure. Une envie terrible de disparaître. L'otage de François Luciani. D'après Le piège américain de Frédéric Pierucci et Mathieu Aron, publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Troisième épisode, L'enfer. Avec Michael Cohen, Daniel Koenigsberg, Marie Dompnier, Fred Ulysse, Valérie Dashwood, Dominique Daguier, Marc Léognan et Bernard Gabet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal et Laetitia Delgado. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Cédric Ossier. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, 2e et 3e épisode de L'Otage, une série en 6 volets. Une fiction écrite par François Luciani et Mathieu Aron, réalisée par Cédric Ossir. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Al Niouro. À la technique aujourd'hui, Stéphane Beaufils et Céline Guéribi. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.